Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de cette grande traversée qui, toute la semaine, explore la vie, l'œuvre et le souvenir d'Alan Turing, mathématicien, démiurge, pionnier de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Qui êtes-vous ? Alan Turing. Ah, Turing, le mathématicien. Exact. Alan Matheson Turing, 1912 to 1954. Father of computer science. Mathematician, logician, wartime codebreaker, victim of prejudice. L'énigmatique Alan Turing ou comment programmer sa vie. Amaury Chardot, Romain Weber, Yvon Croisier. Oh, I feel strange. Alan Turing est né en 1912 et il est mort en 1954. Entre-temps, il a inventé l'ordinateur et puis il a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Turing, grâce à ses travaux, a permis d'écourter la guerre de 2 ans. Turing est un héros qui avait tout pour rester inconnu et c'est un héros qui est devenu une célébrité. Alan Turing est un personnage éminemment romanesque. C'est un destin tragique. C'est un personnage fascinant. Ce type est un génie. Quand on sait que l'inventeur de l'ordinateur devait être aussi un coureur de fond pour les Jeux Olympiques, enfin, ça en dit long un petit peu sur cette espèce de personnage un peu venu d'ailleurs, quoi. Alan Turing est l'une des très rares personnes dont on peut dire, si ça se trouve, si lui n'avait pas été là, l'histoire du XXe siècle aurait été différente. Le 7 juin 1954, en fin de journée, un des rares hommes capables de modifier la trajectoire d'un siècle s'en était allé. Étendu sur le lit de sa maison de la banlieue de Manchester, le corps d'Alan Turing, le casseur des codes nazis, reposait sans vie, une pomme croquée à ses côtés. Les jours suivants, sa mort ne suscite que quelques entrefilets dans la presse, mentionnant la disparition d'un universitaire. L'heure de notre homme n'a pas encore sonné. 60 ans plus tard, et notamment à la faveur de la sortie d'un film hollywoodien, Alan Turing est partout. Il aura fallu, entre-temps, une succession de redécouvertes de son œuvre, mais aussi de son destin individuel, celui d'un homosexuel brisé par les conventions morales de l'Angleterre puritaine. Désormais, chacun se l'approprie, et Turing, devenu une icône comme le monde contemporain en raffole, fait l'objet de tous les fantasmes, à l'image de ceux entourant les circonstances de sa mort. Quatrième et dernier épisode, les mythologies d'Alan Turing. Moi, j'ai pas d'opinion là, sur l'explication de la mort de Turing, mais entre les trois hypothèses qui peuvent être retenues, c'est-à-dire le suicide, l'accident et l'assassinat, le suicide reste le plus plausible. Et je suis persuadé qu'il y a un sens caché, parce que la pomme... Bon, pourquoi la pomme? Alors oui, Blanche-Neige peut-être, mais je pense qu'on n'a pas encore décrypté la mort d'Alan Turing. Pendant les vacances de la Pentecôte, j'avais emmené une de mes filles au cinéma et je suis rentré à la maison vers 22h30. La police de Manchester avait téléphoné en mon absence pour me dire qu'Alan avait été retrouvé mort chez lui. John Turing, frère d'Alan. Suicide. It looks. Half-eaten apple next to the bed. Some sort of white powder on it. Cyanide. La possibilité d'établir qu'il était mort par accident était minimale. Le mieux que nous pouvions espérer était le prudent verdict que l'équilibre de son esprit était perturbé. C'était vrai et je l'ai accepté. Quand ma mère est revenue, elle était en voyage à l'étranger. Elle était outrée et elle m'a fait savoir que j'avais particulièrement mal géré l'affaire. Elle a formulé différentes théories pour montrer que c'était réellement un accident. John Turing. Andrew Hodges, vous avez publié la principale biographie d'Alan Turing en 1983. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Turing? Well, in 1977... En 1977, je me suis rendu compte que je savais trois choses sur Alan Turing que peu de personnes savaient. J'avais entendu son nom en 1969 quand j'étais étudiant en mathématiques et je savais qu'il était le grand théoricien de l'ordinateur. En 1976, j'ai entendu qu'il était la personne la plus importante dans le travail de décryptement opéré lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, j'ai entendu son nom d'une autre manière, comme celui d'un homme qui avait été persécuté parce que homosexuel. Et ça avait été très important dans son suicide en 1954. Ce suicide, selon moi, a sûrement été mûrement réfléchi, mais il a maquillé ça pour que sa mère, notamment, puisse croire qu'il s'était agi d'un accident terrible. Et elle a effectivement cru, et elle a écrit un livre en le disant, ce que d'autres gens ont aussi pensé. Il semble évident qu'il a monté ça de toutes pièces, cette histoire de laboratoire chimique maison avec du cyanure de potassium utilisé pour plaquer de l'or afin qu'il ait une excuse pour avoir du poison chez lui. Ainsi, on aurait pu simplement croire que par mégarde, il avait eu du poison sur les doigts, etc. C'est ça qu'elle a cru. Selon ses amis, ses expériences étaient souvent troublantes. Quelqu'un qui le connaissait bien m'a écrit qu'il se comportait comme un enfant quand il faisait ses expériences. Il n'observait pas simplement les résultats, il les testait avec ses doigts. Une expérience qu'il était très content de mener a été le plaquage en or d'une cuillère à œufs. Il utilisait la montre à gousset de son grand-père pour l'or et probablement du cyanure de potassium, d'où la présence de ce dernier sous forme solide dans un tiroir de sa chambre d'amis. Sarah Turing, à propos de la mort de son fils, Alan. L'exposition que vous dirigez, Anastasia Christofilopoulou, ici au Fitzwilliam Museum de Cambridge, croise l'histoire d'Alan Turing. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que cette petite cuillère ? Cette petite cuillère est importante. Elle vient du réfectoire de King's College. Alan Turing avait attrapé la curieuse habitude de garder ses cuillères à thé ou n'importe quelle argenterie du réfectoire. Il s'occupait de les réargenter en les replaquant d'argent. Il le faisait dans son petit laboratoire maison, ce qui est assez dangereux, je le déconseille à nos jeunes auditeurs. Et il avait besoin de cyanure de potassium. Évidemment, cet élément chimique, il y avait accès via l'université. Et d'ailleurs, lors de l'enquête qui a suivi sa mort, on a retrouvé du cyanure dans son appartement. Du cyanure de potassium. Le verdict de l'enquête était qu'il s'était administré lui-même le poison alors que l'équilibre de son esprit était perturbé. Aucun poison n'a été retrouvé dans sa chambre. Il n'y avait qu'une pomme croquée sur la table à côté de son lit parce que, d'ordinaire, il mangeait une pomme tous les soirs. Il est peu probable qu'Alan ait eu des soucis financiers, étant donné qu'il avait laissé une importante somme à la banque. Il était au sommet de sa force mentale, avec une célébrité grandissante et absorbé dans sa recherche sur la morphogénèse qui promettait des résultats considérables. Selon tout point de vue, il avait tout pour vivre. Tout semblait normal. Le docteur Gandhi a écrit « Quand je me trouvais avec lui, le week-end avant la Pentecôte, il semblait plus heureux que d'habitude. » Sarah Turing. Dermot Turing. Oh, it's definitely a suicide. There's no question about that. C'est un suicide et il n'y a pas de doute. You don't need to create an accident. Pas besoin de créer la théorie d'un accident pour expliquer sa mort. So then you need to ask why. Après, il faut se demander pourquoi autant de gens croient encore à la thèse de l'accident. And the answer is again, I think, very clear. Et la réponse, je crois, est très claire. My father took many steps to protect his mother, so my grandmother. Mon père a pris de nombreuses mesures pour protéger sa mère, ma grand-mère, de la souffrance d'avoir un fils qui s'est suicidé. Vous pouvez imaginer ce que c'est d'être un parent quand votre enfant meurt. C'est 100 fois pire si votre enfant s'est suicidé. Beaucoup d'efforts ont donc été déployés pour protéger ma grand-mère de cette nouvelle. Il y a un dossier de correspondance conservé aux archives de King's College qui montre toutes les précautions prises pour créer cette histoire d'accident. So the undertaker, the psychiatrist, the local newspapers were all recruited. Les pompes funèbres, le psychiatre, les journalistes locaux ont tous été mis au parfum pour donner plus de poids à cette histoire d'accident. And it was all about protecting my grandmother. Tout ça pour protéger ma grand-mère, laquelle a donc fermement cru à l'accident. Elle a écrit la première biographie de son fils, affirmant que c'était un accident, que le verdict du suicide fait par le légiste était une erreur. Et depuis lors, depuis 1959, quand son livre est sorti, la version officielle est que c'était un accident et que le médecin légiste a fait une erreur. Andrew Hodges. One of the strongest elements for assuming this is that he had made. Une des principales preuves pour étayer ça, c'est qu'il avait pris la peine de rédiger un testament très étrange qu'il avait signé en février 1954. Testament étrange dans lequel il ignorait sa famille, divisant ses biens en cinq. Cinq personnes qui étaient, de fait, celles qu'il avait le plus soutenues dans son homosexualité. Mais sa mère était parmi ces cinq personnes, donc il y a beaucoup d'histoires là-dessous. C'est donc une histoire très psychologique. Mais ça n'aide pas à répondre à la question de pourquoi il a fait ça. Pourquoi s'est-il ôté la vie à ce moment-là? C'était deux ans après le procès. Les choses s'étaient estompées, il s'était réconcilié avec sa mère. Ses amis le soutenaient plus que jamais. Il avait beaucoup de gens autour de lui. Bref, ça n'est pas comme si son procès l'avait tué. Pas du tout. But I think the thing that was really En revanche, ce qui n'était pas résolu du tout, c'était la question de sa sécurité. On était au plus haut de la guerre froide, en plein McCarthyisme. Tout le monde était suspect. Il a dû se poser beaucoup de questions, se demander à quel point il était en sécurité tandis qu'il vadrouillait en Europe à la recherche de jeunes amants. Ces aspects internationaux étaient considérables. Alors même que le Royaume-Uni était confronté à une menace très forte de la part de l'Union soviétique et que la relation avec les États-Unis était loin d'être évidente. Alan Turing avait eu entre les mains des informations secrètes touchant aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, informations qu'il n'avait pas le droit de révéler aux Britanniques. C'est difficile d'imaginer situation plus compliquée et plus sensible que la sienne ces années 1952 à 54. Arnaud Delalande, scénariste, auteur. Ce qui est sûr, c'est qu'après la guerre, les services secrets continuent de le pister alors qu'il n'est plus membre, puisque c'est un héros de guerre, mais personne ne le sait et personne ne doit le savoir. Et il va notamment en Europe du Nord, etc., y compris pour raison pour ses frasques homosexuelles, et les services secrets le pistent jusque-là, parce que leur terreur, évidemment, c'est qu'un Turing tombe entre les mains des Russes, parce que ça y est, le monde a changé, et maintenant c'est la guerre froide. Et donc, un Turing du côté de Staline, ça peut faire quand même très très très mal. Jonathan Swinton. There's this very curious incident with this Norwegian boy called Kjell, Il y a eu un moment très curieux avec ce jeune Norvégien, Kjell, avec qui il aurait échangé un chaste baiser en Norvège. Il était allé en Norvège parce qu'il avait entendu qu'on y dansait entre hommes. L'année suivante, Kjell lui envoie une carte postale et semble venir au Royaume-Uni. Les services de renseignement notent donc qu'un Norvégien vient parler à Alan Turing, lequel est un élément important pour la sécurité de l'État britannique. Turing devient alors un risque pour la sécurité. Or, il se trouve que, je ne sais pas tellement comment se situait la Norvège dans ce début de guerre froide, que c'est à la Norvège que l'un des premiers ordinateurs de Manchester a été vendu, officiellement pour leur projet de conception d'une bombe atomique. Mais ce qui est sûr à propos du développement de l'ordinateur Ferranti, c'est qu'il a été pensé et construit avec, entre autres, l'objectif prioritaire de faire du décryptement. Rien de tout ça n'a été écrit, donc on ne saura jamais, mais on est presque certain. Mais si un ordinateur a été construit alors à Manchester, et si Turing est venu y travailler, c'est parce que cette machine était utilisée par les services secrets pour casser des codes. Mars 1953, lettre d'Alan Turing à son ami Robin Gandy. Mon cher Robin, la crise Kjell est maintenant dissipée. Elle a fait beaucoup de bruit pendant une bonne semaine. J'ai commencé par recevoir une carte postale de lui m'annonçant qu'il arrivait. Toute la police du nord de l'Angleterre s'est alors mise à ses trousses, le cherchant notamment à Wimslow, à Manchester ou à Newcastle. Je te raconterai tout ça. Enfin, il est à présent rentré à Bergen et je n'ai même pas pu le voir. Ça a été presque aussi mouvementé que l'épisode Arnold Murray. David Lagercrantz, vous êtes romancier suédois, on vous connaît notamment, c'est vous qui avez repris la série des Millennium. Mais avant ça, en 2009, vous aviez consacré un roman à l'histoire d'Alan Turing, traduite en français sous le titre « Un des sens manifeste ». Vous en faites un roman presque d'espionnage. Well, I think that MI6 and were... Le MI6, les services extérieurs britanniques, étaient inquiets. Turing était vulnérable et peu de personnes détenaient tant de secrets aussi importants. Donc, selon moi, ce n'est pas tiré par les cheveux de penser qu'il voulait s'en débarrasser, afin qu'aucun de ses secrets ne fuite. Vous imaginez que des membres des services secrets britanniques s'installent de l'autre côté de la rue, face à la maison d'Alan Turing, et que Turing soit donc sous surveillance les derniers moments de sa vie. Je crois que nous savons que c'est vrai. Ils l'ont espionné. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. Il y a toujours des choses tenues secrètes. Je sais qu'il y avait des espions et qu'ils étaient inquiets. Parce qu'il allait à l'étranger, qu'il rencontrait de jeunes hommes. Ils avaient peur que quelqu'un le fasse chanter et qu'il révèle toutes ces informations. Mais bien sûr, il y a eu une spéculation que l'intelligence britannique Il y a évidemment eu des spéculations que les renseignements britanniques l'avaient tué parce que cet homme était assis sur le secret le plus important de la guerre froide, par exemple. Il était le maître, le briseur de codes qui avait cassé les codes nazis. Turing était au cœur de problématiques qui intéressaient beaucoup les services d'espionnage. Ce qui est sûr, c'est qu'il était au début de la révolution de l'intelligence artificielle et puis de l'informatique. Donc il y avait des enjeux industriels derrière le savoir de Turing qui étaient très forts. Puisque les grands chercheurs qui ont initié la discipline qu'est l'intelligence artificielle en 1956, c'est-à-dire 2 ans après la mort de Turing, étaient persuadés qu'avec quelques millions de dollars, comme dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, ils arriveraient à égaler le cerveau humain au milieu des années 60. Dans votre roman, dans le roman Laurent Alexandre que vous consacrez à Turing avec David Angevin, l'homme qui en savait trop, vous imaginez que Turing ne se serait pas suicidé, mais qu'il aurait été éliminé. Alors c'est un roman qui imagine une fin de Turing qui n'est pas le suicide, mais aurait été un assassinat maquillé par les services de renseignement, a priori occidentaux, qui auraient voulu éviter que Turing passe des secrets sur l'informatique et l'intelligence artificielle naissante aux soviétiques. Donc c'est une fin qui n'est pas forcément la plus probable, mais qui n'est pas impensable dans cette période où on se méfiait des gens qui avaient des savoirs que l'Union soviétique pouvait chercher à capter. On est dans la période la plus dure de la guerre froide. On peut imaginer mille choses. Sur sa biographie, on a pas mal de trous. Hein. Turing n'est pas surveillé jour et nuit. Hein. On a beaucoup de trous sur les deux dernières années. On ne sait pas forcément qui l'a rencontré. Et puis, il était immergé au milieu d'intellectuels marxistes, car dans les grandes universités anglaises, à l'époque, il y a plein de marxistes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en 1948, George Orwell écrit 1984 pour mettre en garde ses concitoyens sur le danger que représente le marxisme. Il est normal que dans la paranoïa d'après-guerre, au moment où Staline a la bomba puis la bombache, il est normal que les services de renseignement occidentaux s'inquiètent un tout petit peu. Well, a couple of years ago, or quite long ago, I was absolutely passionate. Il y a quelques années, j'étais absolument passionné par Alan Turing, et je savais qu'il fallait que j'écrive un livre sur lui. And I'm not a mathematician, I'm not an historian, I'm a. Je ne suis ni un mathématicien ni un historien. Je suis un écrivain de fiction, donc j'ai voulu écrire un roman. With the tragic death of Alan Turing. When he j'ai ouvert mon livre par la mort tragique d'Alan Turing. Cyanide and the police officer quand il plonge sa pomme dans le cyanure et que l'officier de police le retrouve mort, allongé sur son lit, et découvre ensuite, peu à peu, l'histoire fantastique de cet homme. Elliot, vous qui travaillez comme cryptanalyste à la DGSE, le 7 juin 1954, Alan Turing meurt. Est-ce qu'il reste des questions sur les circonstances de cette mort ? Il reste beaucoup de questions. Ce qui est probable, c'est qu'il a probablement été empoisonné par un certain nombre d'éléments chimiques qui stagnaient dans son appartement, parce qu'il faisait énormément de recherches au sein de son appartement sur des machines qui demandaient l'usage d'un certain nombre de produits chimiques, donc en l'occurrence l'arsenic, mais ça aurait pu être autre chose. Ce qui a participé à la légende aussi, c'est qu'à côté de son lit, on a retrouvé une pomme dans laquelle il avait croqué. Ça, pour le coup, tous les gens qui ont connu Alan Turing disent que c'était un grand mangeur de pommes. Donc l'imaginaire collectif en déduit un certain nombre de choses. Dans les faits, on n'est pas capable de trancher. Cyanure ou arsenic ? Pour moi, il y avait surtout de l'arsenic qui était utilisé pour développer ces machines. Nadine, vous êtes donc historienne et vous parlez ici pour la DGSE. Qu'est-ce qu'on doit en penser ? Le service ne dispose d'aucune information, aucun renseignement qui lui permettrait d'avoir un point de vue spécifique sur cette question. Mais du coup, je vous relance sur... Pourquoi est-ce qu'on ne parle que de cyanure ? Je pense qu'on retombe sur l'imaginaire collectif de Blanche-Neige qui a été empoisonnée en mangeant une pomme. Donc là, pour moi, on est sur le mythe urbain. Blanche-Neige et les espions. Il ne faut pas oublier que le mythe du cyanure, c'est le mythe de la pilule de cyanure. Très clairement, le cyanure est considéré comme le poison des espions. N'oublions pas que les espions étaient parachutés sur le continent avec des pilules de cyanure qui leur permettaient de se suicider s'ils étaient pris par la Gestapo. Donc, même dans l'inconscient collectif, il y a forcément un lien entre le cyanure et l'espionnage. Et donc, à partir du moment où on a un espion, forcément, dès qu'il y a poison, on va avoir tendance à mettre en avant la notion de cyanure, bien plus que l'arsenic, qui n'est pas le poison des espions. Mais l'idée même d'utiliser une pomme comme support d'empoisonnement, c'est une idée qui semble un peu, pour le coup, saugrenue. The apple is always symbolic, of course. So la pomme, bien sûr, est symbolique. Les écrivains comme moi sont fascinés par ce fruit de la connaissance, le fruit qui nous a fait être chassés du paradis. But of course, it's symbolic. Oui, utiliser une pomme, bien sûr, c'est symbolique. pommes de glace, la violette des quatre goûts, la Marie Doudou, le drap d'or de Courset, la pomme Béraud, le bec de lièvre, le triomphe du... Archive, Michel Pastoureau, sur France Culture. Et s'il fallait résumer en quelques mots la dimension symbolique première de la pomme, c'est un fruit qui a à voir avec le don et le contre-don, avec l'échange, avec la transaction. C'est un instrument de relation entre les hommes, entre l'homme et la femme, entre l'enfant et l'adulte, entre les mortels et les dieux, et entre les dieux et les déesses. Et il y a dans les traditions occidentales un certain nombre d'histoires et de légendes qui mettent en scène des mauvaises pommes comme cela, qui ont à voir avec le savoir diabolique, avec le savoir des sorcières, avec des sens cachés mais qui vont avoir des conséquences néfastes. La pomme, c'est un fruit rond, un fruit séduisant, un fruit beau, un fruit qui rafraîchit, mais c'est aussi un fruit qui peut contenir, par mensonge et trahison, du poison à l'intérieur. Le fruit rouge, naturellement, une pomme empoisonnée, c'est prioritairement une pomme rouge, une belle pomme. C'est vrai que l'enquête a été conduite de manière très négligente. Ça n'arriverait jamais aujourd'hui. Tout a été fait en quelques minutes. Il a été incinéré. Résultat, rien n'est resté. Tout est parti et la pomme n'a pas été analysée. Mais d'abord, il n'y avait pas d'autre moyen qu'il ingère le poison. Comment aurait-il pu en avoir dans l'estomac sans manger la pomme? Il n'y a pas de grand mystère derrière tout ça. Selon un médecin légiste que j'ai interrogé, s'ils se sont montrés négligents lors de l'autopsie, c'est qu'il était évident que les choses s'étaient passées comme ça. Dans un des sens manifestes, David Lorger-Krantz, vous refaites donc l'enquête et vous réinventez un personnage d'enquêteur qui se poserait, lui, les bonnes questions. Mais donc, vous avez eu accès au rapport de police. Absolutely. I read it on the Turing archive. Absolument. Je les ai lus dans les archives Turing. C'est un rapport très factuel, décrivant la découverte d'Alan Turing, allongé sur son lit, avec sa montre sur sa table de nuit, et une moitié de pomme qui sentait le cyanure. Mais l'inspecteur de police a très rapidement conclu, comme c'était un homosexuel, qu'il s'agissait probablement d'un suicide. Et ça a été la fin de l'histoire. Fermez le banc. Il n'y a eu que de courts articles dans les journaux parce qu'il n'était pas connu. Pas connu du tout. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est enterré, Jonathan Swinton ? Il y a eu une incinération près de la maison de sa mère, à Woking, où sa mère, son frère et Lynn Newman, la femme qui avait été son amie, étaient les trois seules personnes présentes. Il n'y a pas de mémorial, pas de tombe. Très rapidement, il est tombé dans l'oubli jusqu'à ce qu'on le réveille, comme Blanche-Neige réveillée par le baiser. 50 ans plus tard, le monde entier lui donne enfin ce baiser d'amour, le réveillant et en faisant de lui cette superstar, ce grand penseur dont on parle maintenant. Et une des choses qui m'a permis d'écrire un livre, l'une des choses qui m'ont fait écrire ce livre, c'est que je rêvais de pouvoir revenir dans le passé et lui dire France Culture is doing an 8 hours documentary. Hey Turing, don't be depressed. Hey, maintenant que France Culture te consacre 8 heures de documentaire, ne sois pas déprimé, Turing. Maintenant, tu es un super-héros, tu es le père du truc le plus génial qu'on ait maintenant, l'ordinateur. Tu es un héros. Vous ne l'avez donc jamais rencontré, votre oncle, Dermot Turing? Mais j'imagine que vous en avez entendu parler toute votre vie, de cet oncle mythique. C'est pas vrai. Jusqu'à 1980, personne n'avait entendu dire d'Alan Turing. Et nous avons découvert les œuvres de Bletchley Park comme tout le monde, comme tout le public. Nous avons regardé un petit documentaire sur la télévision en 74 ou 75 ou quelque chose comme ça. Et personne n'avait aucune idée qu'est-ce qu'il a fait là dans la guerre. Pourquoi est-ce qu'il y a un mathématicien en travaillant chez le Foreign Office? C'est un paradoxe, là. Oui. Personne n'avait dit un seul mot de ce travail jusqu'à les années 70. Les chocs se passent quand il y a un film comme Imitation Game ou quelque chose comme ça, parce que il y a les moments comme tout le média et tout le monde voudrait avoir des interviews et quelque chose. Alors, il meurt en 1954. Pierre Mounier-Kuhn. Est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est une mort accidentelle? On n'en saura jamais rien. Il est à peu près certain qu'il n'a pas été assassiné par des services secrets. On ne voit pas du tout quel intérêt des services secrets auraient eu à l'assassiner. De toute façon, il respectait la consigne de silence absolu sur ce qui s'était passé à Bletchley Park. Ce qui est important maintenant, c'est de voir que après sa mort, pendant les 10 ans qui suivent sa mort, personne ne parle de Turing. Il plonge dans l'anonymat, dans l'inconnu, dans l'obscurité. Comment est-il devenu ensuite une célébrité? Pourquoi il y a eu une année Turing en 2012? Pourquoi est-ce qu'on parle de Turing aujourd'hui dans cette émission? Pourquoi il y a des dizaines de livres, des dizaines de films, des pièces de théâtre sur Alan Turing? Cette construction de la statue de Turing s'est faite, à mon avis, en 3 étapes. Premièrement, au milieu des années 60, ce sont des théoriciens de la programmation, notamment aux États-Unis, qui ont ressenti le besoin de légitimer une science nouvelle, la computer science. Pour cela, ils ont créé des laboratoires, des chaires, des diplômes, et pour couronner cet édifice, il fallait avoir un prix. Évidemment, il n'y a pas de prix Nobel de l'informatique, et donc ils ont créé le Turing Award, le prix Turing, qui est devenu l'équivalent du prix Nobel pour les informaticiens. La deuxième étape de la construction de la célébrité de Turing, c'est au milieu des années 70, quand le gouvernement de Sa Majesté britannique a déclassifié quelques bribes d'informations sur ce qui s'était passé à Bletchley Park. Le but, c'était pas de rendre Turing célèbre, le but, c'était de montrer que, en fait, l'Angleterre avait construit un gros ordinateur 2 ans avant les Américains. Et on voit des gens qui ont travaillé à Bletchley Park qui commencent à raconter ce qui s'est passé et à mentionner notamment l'œuvre décisive de Turing dans le cassage des codes de la marine allemande. Et les cryptanalystes de Bletchley Park apparaissent soudain en lumière comme de nouveaux héros de la défense du monde libre, au même niveau que les pilotes de chasse de la RAF pendant la bataille d'Angleterre. Turing apparaît comme ça en pleine lumière avec cette aura d'un jeune et beau héros qui ne s'est pas battu avec des mitrailleuses mais avec son intelligence contre l'intelligence allemande. La troisième étape de la construction du mythe Turing, on peut dire qu'elle commence en 1983 avec la parution de la monumentale biographie de Turing, Turing ou l'énigme de l'intelligence, par Andrew Hodges. Andrew Hodges est un universitaire britannique, mathématicien, informaticien et militant homosexuel. À partir de cette biographie, beaucoup de livres vont être écrits sur Turing. Et vers l'an 2000, les mouvements militants homosexuels s'emparent à leur tour du personnage de Turing pour en faire une sorte d'icône gay, à bon droit, bien sûr. Ce qui va aboutir une dizaine d'années plus tard, d'abord aux excuses publiques prononcées par le Premier ministre britannique disant que Turing a été maltraité par la justice britannique et que c'est honteux d'avoir condamné un homme pour ses orientations sexuelles alors qu'il avait contribué à sauver son pays pendant la guerre. Et ça va même aller plus loin, puisque quelques années plus tard, la reine d'Angleterre elle-même, Sa Majesté, va accorder le royal pardon à Turing. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Une vie, une œuvre. Comme chaque semaine, voici le portrait d'une personnalité qui a marqué son époque. Son nom est Alan Turing. Archives France Culture, janvier 2012. En 2009, un informaticien anglais, John Graham Cumming, a décidé d'alerter les pouvoirs publics sur la manière dont l'Angleterre s'était comportée avec Alan Turing. Il a rédigé une pétition sur son blog demandant des excuses officielles de la Grande-Bretagne. J'ai lancé la pétition en août 2009 et quelques semaines plus tard, en fait, 32 000 personnes avaient signé, parmi eux des gens très connus et des gens ne pas reconnus du tout. Et début septembre, j'ai regardé mes mails, il y avait une mail qui disait « Est-ce que vous pouvez appeler la résidence du Premier ministre, le fameux Number 10 Downing Street, avec urgence ce soir ?» Alors, au début, je pensais peut-être c'était une blague parce que normalement je ne reçois pas des mails comme ça. J'ai googlé le numéro de téléphone et effectivement c'était le number 10. Et j'ai appelé et en fait j'ai parlé avec un conseiller et il a fini par me dire « Gordon veut vous parler ». Quelques minutes plus tard, mon portable a sonné et c'était le Premier ministre. Déjà il m'a remercié parce qu'il pensait que c'était une histoire importante et qu'on ne parlait pas d'Alan Turing. Et en fait, il m'a dit qu'il ne connaissait pas l'histoire du tout. Parce que, bien sûr, Alan Turing était connu par les informaticiens et dans certains milieux gays, mais ce n'était pas une histoire qui était connue par tout le monde. Et en fait, quand j'ai commencé la pétition, je pensais qu'Alan Turing était un des grands Britanniques. Il fallait parler de lui plus. Et bien sûr, la fin de sa vie aussi. Mais il y a toujours eu des débats, puisque quand en 2009, Gordon Brown dit, au nom du gouvernement britannique, qu'il s'excuse... Laurent Lumière. Quelques mois plus tard, le ministre de la Justice dit non. Il a été condamné selon des lois britanniques et on ne voit pas pourquoi il y aura une amnistie. Et aujourd'hui, je dirais que le personnage de Turing est aussi connu comme... effectivement une victime et comme un représentant une icône, voilà, c'est un mot juste, une icône de la cause homosexuelle, que comme le père de l'ordinateur. David Lagercrantz. The British society really crushed him. And that's the most sad and tragic thing. La société britannique l'a vraiment écrasé. C'est le plus triste et le plus tragique dans cette histoire. Que le plus grand héros de la guerre, un homme décisif dans l'issue du conflit, par ailleurs père de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle, ait été traité comme un rat de laboratoire par la société britannique. Ils l'ont écrasé. Et c'est une telle honte pour la société britannique que le grand Alan Turing ait subi ça. The real murder was the prejudiced British. En réalité, ce sont les idées préconçues de la société britannique qui ont tué cet homme bizarre et brillant. I think part of his brilliance was that he was odd. Je crois qu'il était brillant en partie parce qu'il était bizarre, parce qu'il était homosexuel, parce qu'il était en dehors de la société. Ceux qui sont en dehors de la société sont plus clairvoyants. Il a changé le monde parce qu'il n'était pas conventionnel. That is a recording of the Manchester. Ça, c'est un enregistrement de l'ordinateur Manchester Mark One, le premier ordinateur de Manchester qui venait d'être construit quand Turing est arrivé ici. James Sumner. It had a hooter. Il avait une sorte de signal qui jouait un son pour indiquer aux ingénieurs quand la machine avait terminé d'exécuter ses instructions. Now, a man named Christopher Strachey. Who is a friend of Alan Turing, he wrote a program. Christopher Strachey, un ami d'Alan Turing, a écrit des programmes pour cette machine, créant de nouvelles utilisations pour le signal. Parce qu'il avait remarqué qu'en l'allumant et en l'éteignant rapidement, on pouvait faire varier la hauteur de la note et donc jouer un morceau. Turing lui a donné des conseils et il est resté debout toute la nuit, créant ce programme qui a surpris tout le monde. Ça fonctionnait bien, on pouvait faire jouer des morceaux par l'ordinateur, même si, évidemment, ça n'était pas dans les objectifs initiaux. L'idée d'utiliser une machine aussi chère pour quelque chose d'apparemment aussi frivole semblait complètement fou à l'époque. Et pourtant, c'était intéressant. C'était attirant. Ils ont rapidement compris que c'était le genre de chose qui allait convaincre le grand public de prêter attention aux ordinateurs. Quant à cette musique-là, c'est un programme radio pour enfants de la BBC pour présenter leur C'est certainement la première musique produite par un ordinateur que je connaisse. 1951. Guy Birkwinkel, qu'est-ce qui représente aujourd'hui pour vous, Britannique ? Une sorte de honte. Et de l'avoir traité comme ça, de l'avoir humilié, je pense que ça a laissé une grande marque, en fait. Ici, au collège, quand je suis arrivé en 2000, personne n'en parlait. Tout le monde était fier de lui, mais il n'y avait pas de... Mais ça, c'est très, très anglais aussi. Alors, il y avait une seule salle, la salle Turing, c'est la salle des ordinateurs. Et en fait, c'est au sous-sol, c'est humide, c'est sale, c'est un endroit presque comique où les étudiants ne voulaient pas aller, la salle Turing. Ça avait une mauvaise réputation. Alors, depuis 2012, ils ont mis une plaque à l'extérieur sur le mur, annonçant que c'était l'école de Turing. Et il y aura bientôt une statue. Ce ne sera pas une statue qui représente Turing, mais une sculpture qui, disons, inspirée par le tempérament et le caractère de Turing. 25 décembre 2013. On le surnomme le Einstein des mathématiques. Alan Turing est enfin réhabilité en Grande-Bretagne. C'était un des pionniers de l'informatique. Il a défini les critères de l'intelligence artificielle. C'était aussi un des grands héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais après le conflit en 52, Alan Turing avait été mis au ban de son pays parce qu'il était homosexuel. Il est mort en 54, très certainement par suicide. Hier, la reine lui a accordé sa grâce et le ministre de la Justice lui a rendu hommage à titre posthume. Il devrait être considéré comme un héros de guerre, au même titre que le maréchal Montgomery ou Winston Churchill, parmi les gens qui ont sauvé ce pays. Sans lui, la Grande-Bretagne n'aurait pas cassé le code secret allemand, n'aurait pas gagné la bataille de l'Atlantique et aurait peut-être été battue. Les artistes n'avaient pas attendu la reine pour faire d'Alan Turing un héros. En France, Adamo avait consacré une chanson à cet homme qui, dit-on, pour se suicider, avait croqué une pomme pleine de cyanure. Alan a trempé la pomme dans le cyanure. La vie et tout son barnum, triste aventure, ne lui a jamais offert que des blessures, des coups et des crachats à la figure. Alan aimait les hommes sous les injures, malgré tous les sérums, toutes les censures. Chancelant sous le glaive des bien-pensants, il leur lègue son plus beau rêve d'enfant. I'm going away. Décidé, je vais voir ailleurs. Je vous laisse les clés, je vous laisse les cordes d'un nouveau monde, d'un nouveau monde où vous pourrez toucher les antipodes. à la seconde, I'm going where love is easier. Cliquez ici, cliquez ici, vers l'infini. France Culture, Grande Traversée, Alan Turing, quatrième et dernier épisode. Les mythologies d'Alan Turing. Pour vous, Jean Lassaigue, la vie d'Alan Turing, les événements qu'il a vécu tout au long de son existence, permettent de comprendre l'œuvre ? Oui, alors c'est dit comme ça, ça paraît un peu contradictoire. On a toujours l'impression que finalement, un scientifique qui fait œuvre de science et que sa vie importe assez peu finalement. Et c'est vrai que quand vous suivez un cours d'informatique à l'université, vous avez besoin d'apprendre ce que c'est qu'un ordinateur. Plus concrètement, vous avez besoin d'apprendre ce que c'est qu'une machine de Turing. Mais vous n'avez absolument pas besoin de savoir qu'il est né en 1912, qu'il était homosexuel, qu'il a été condamné pour ça, que c'était la guerre froide ou ce genre de détails historiques. Donc on peut parfaitement tout ignorer de la vie de Turing. Mais il se trouve que dans son cas, il y a quelque chose de différent. Mais surtout, ce qui m'a intéressé chez lui, c'est pas tellement la science une fois qu'elle est faite, c'est qu'est-ce que c'est que la science quand elle est en train d'être faite ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui, à 24 ans, va à l'université, écoute un certain nombre de profs, se trouve soumis à le front avancé de la recherche et réagit par rapport à ça. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est l'aspect créatif de cet homme. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de fascinant à remarquer avec lui, c'est qu'il a été, dans sa courte vie de 41 ans, d'une créativité extraordinaire. Il a traversé toutes sortes de domaines scientifiques, la logique mathématique, d'abord le calcul des probabilités, la théorie des groupes, le décryptage et la cryptologie, l'ingénierie, puisqu'il a construit, ça a été l'un des premiers à construire un ordinateur, ensuite qui fait de la biologie théorique, qui invente un modèle en biologie théorique qui s'appelle le modèle de réaction-diffusion, qui va être extrêmement retravaillé dans les années 70 et 80 jusqu'à aujourd'hui. Bref, c'est quelqu'un qui a une vie de météore, et qui, à travers ces champs-là, transforme profondément la façon de produire des résultats. C'est un personnage fascinant. C'est un personnage rêvé, mais pour une vie de cauchemar quand même. C'est-à-dire que, enfin, à la fois extraordinaire et cauchemardesque, parce que ce qui est frappant avec Turing, c'est que c'est une vie qui est cernée par le secret de bout en bout, ce qui en fait un personnage presque de tragédie antique à certains moments. Donc, il est en permanence marqué par l'impossibilité de se déclarer et par cet univers des chiffres, des énigmes, de la poésie, d'un monde qui conçoit un peu comme dans Matrix aujourd'hui, avec ce déluge de chiffres et cette espèce de gnose, cette espèce de monde qui est à déchiffrer, d'énigmes qui est à perpétuer. À décoder. Ce qui est étrange, Arnaud Delalande, vous qui avez scénarisé une bande dessinée autour de Turing, c'est que ce type a une vie de héros et à la fois il a un caractère d'anti-héros. Oui, c'est assez juste ce que vous dites, parce qu'il est à côté Pierre Richard, on pourrait dire. Tout ça dans un contexte qui est hautement épique. Donc, oui, c'est ce qui en fait justement cette matière est étourdissante. Et quand Laurent Muller m'a parlé, je connaissais pas le personnage. On a commencé à travailler dessus en 2012. Et quand il m'a passé la première, j'avais deux biographies, je crois. Je suis tombé de très haut en me disant mais comment se fait-il que personne n'ait entendu parler de ce personne en dehors des mathématiciens qui connaissaient la machine de Turing, je veux dire, donc le test de Turing. Donc là, je me suis dit il y a quand même une matière, mais c'est insensé d'avoir autant d'ingrédients du point de vue alors purement scénaristique pour un personnage comme celui-là. Vous le faites bégayer, tiens, par exemple. Mais il bégayait. D'ailleurs, on le voit, Benedict Cumberbatch dans le film le fait bégayer, mollement, mais le fait bégayer. Cet acteur anglais aussi shakespearien qui a joué, Derek Jacobi, qui a joué dans un téléfilm aussi BBC, où il interprète Turing, bien qu'il n'ait pas du tout l'âge, parce qu'il a déjà 20 ou 30 de plus. Donc, mais c'est un excellent acteur, le fait bégayer aussi, alors là, abondamment. Et puis moi-même, là, je suis en train de bégayer à mesure qu'on avance. Mais voilà, c'est une des caractéristiques de sa personnalité. Mais c'est toujours ce côté qui est très émouvant en même temps, hein, un peu contrarié finalement. Contrarié dans l'expression de sa parole, contrarié dans l'expression identitaire, contrarié dans l'expression sexuelle, contrarié dans l'expression simplement... Il est empêché d'être en quelque sorte. Et ça en fait cette espèce de garçon sympathique et émouvant, toujours un peu à côté de la classe, dont on va volontiers se moquer, et puis qui tout à coup va vous décocher le 25 sur 20. Et là, ça calme tout le monde. Voilà, il est comme ça, Turing. Jean Lassec, pour vous, s'il fallait qualifier l'héritage d'Alan Turing, est-ce qu'il serait mathématique, informatique, philosophique? Alors c'est difficile, c'est un peu tout ça à la fois, hein, Alan Turing. Ce que je remarque aussi, c'est qu'on en fait une espèce de saint laïque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réhabilitation d'Alan Turing qui devient une espèce de héros, de victime finalement. Je crois pas du tout qu'il aurait apprécié qu'on lui fasse jouer ce rôle. Pas du tout. En tout cas, c'est tout à fait étonnant. Moi qui ai commencé à travailler sur Turing quand je faisais ma thèse, donc dans les années 90, de voir combien ce personnage s'est profondément transformé pour devenir quelqu'un d'extrêmement connu, qui est devenu donc une figure de la martyrologie contemporaine. Et aussi une grande figure de scientifique, c'est indéniable. Bah, Alan Turing, c'est d'abord un chercheur. Jean-Gabriel Ganassia. Tout à fait extraordinaire, hein, qui est à l'origine des fondements théoriques de l'informatique. Et bon, il est aujourd'hui aussi un mythe pour les informaticiens. On raconte, en particulier Michel Serres, qui est un conteur extraordinaire, raconte que la pomme croquée d'Apple serait un hommage à Alan Turing. Alors, on n'a pas vraiment d'éléments qui permettent de l'assurer, hein, si ce n'est Michel Serres, qui est très très affirmatif sur le sujet. Juste une question, tous ceux qui regardent là, vous connaissez Apple? iPhone, iPad, MacBook Air. Bien, savez-vous pourquoi Steve Jobs, le PDG d'Apple, a choisi comme logo une pomme croquée? Bon, déjà ils ont choisi Apple parce que ça veut dire pomme en anglais, ça je pense que tout le monde le sait. Apple était aussi une maison de disques qui appartenait aux Beatles, que Jobs connaissait forcément. Bon, ne s'écartons pas du sujet. Jobs a choisi une pomme croquée comme logo pour rendre hommage à un grand mathématicien de la Deuxième Guerre mondiale, Alan Turing. En fondant Apple, Jobs et Wozniak lui rendirent hommage. Bien, c'est déjà la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, abonne-toi. Après tout, c'est pas totalement absurde, mais ça reste au niveau de la légende urbaine, puisque Apple ne l'a jamais dit, mais n'a pas vraiment... Le démenti est flou, parce que on dit... Steve Jobs disait c'est la pomme des Beatles, c'est l'Apple des Beatles. Peut-être parce que quand on était jeune informaticien, on ne mangeait que des pommes. Oui, ça peut tout à fait se tenir, mais comment mettre en emblème, en logo, un personnage qui s'est non seulement suicidé, donc c'est pas très moral, et qui en plus était homosexuel. Donc on peut comprendre une certaine prudence commerciale de la part d'Apple. Ils disent pas non, radicalement non, ça sera terminé. Donc la légende continue, parce qu'on se dit, et puis il y a des tas d'éléments. La personne qui aurait conçu le logo d'Apple était lui-même homosexuel, et connaissait l'histoire de Turing, et quand on voit au moment où Apple devient en couleur, on a la pomme qui peut ressembler au fanion gay. Multicolore. Voilà. Et donc ça rappelle la fierté homosexuelle. C'est tout ça, et on est en plus en Californie. Une carrière dans l'électronique, c'est comme un plongeon. Il ne faut pas rater son coup. Quand on veut se retirer à 40 ans, fortune faite, au soleil de Californie, on doit commencer par lui tourner le dos. Et se ruer sur le travail, dans un monde silencieux où chaque seconde compte. Parce qu'à chaque seconde, une nouvelle trouvaille venue du Japon ou de l'usine concurrente peut envoyer au panier les espoirs de chacun. Et parce que l'idée neuve est souvent la garantie d'une promotion spectaculaire, certains choisissent de travailler 15 heures par jour et 7 jours sur 7 pour être les meilleurs. Demain, le vent peut tourner, il faut faire vite, on vient jouer son va-tout à Silicon Valley. J'avais deux raisons de venir ici. D'abord, sentir que ça pouvait marcher pour moi, ce qui n'était pas le cas. Mon objectif était d'arriver en 4 ou 6 ans à tripler mes revenus et pourquoi pas prendre ma retraite. J'ai presque doublé mes revenus en 3 ans. Je considère que j'ai réussi. Où est-ce qu'on se trouve ici avec vous, Cédric Villani? Nous sommes ici dans l'hôtel de Broglie, qui abrite de façon temporaire le secrétariat d'État au numérique. Un secrétariat d'État placé auprès du Premier ministre et qui a la main sur tout ce qui constitue le numérique pour l'État. La politique de l'État en matière de numérique et la compétence numérique dans les actions de l'État. Et c'est aussi le bureau de l'intelligence, de la mission sur l'intelligence artificielle de l'Assemblée nationale à laquelle vous appartenez. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste? C'est ici, dans cette salle même, que nous avons mené la plupart de nos auditions depuis fin septembre, disons. Donc il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont passées ici pour se faire interroger, pour partager leur point de vue sur l'intelligence artificielle, sa nature, ses promesses, les précautions à prendre dans sa mise en œuvre, la réforme, certains disent révolution, certains disent évolution, que ça va apporter à nos sociétés, à nos emplois. Et c'est ici qu'on a pu discuter de l'avenir. Et en même temps, un peu du passé, puisque la discipline intelligence artificielle, même si c'est seulement depuis quelques années que c'est un buzz extraordinaire, en fait, elle existe depuis le milieu des années 50. Les mots eux-mêmes, intelligence artificielle, ayant été introduits en 1956, 2 ans après le décès d'Alan Turing, pour qualifier un programme qui, au début, se proposait de reproduire en algorithme rien moins que la pensée humaine. Donc, deux jeunes hommes, hein, qui sont Marvin Minsky et John McCarthy, qui imaginent une discipline qui va simuler sur des machines les différentes fonctions cognitives. C'est l'idée que l'intelligence est un ensemble de facultés. La faculté de perception, la faculté de raisonnement, la faculté de mémorisation, la faculté d'apprentissage. Et ils se disent, on va concevoir une nouvelle discipline. Et donc ensuite, cette discipline va se développer, hein, et bien sûr, elle va reprendre un certain nombre de questions, hein, que posait Turing, parce que assez tôt, dans les années 70, quelqu'un qui s'appelle Joseph Weizenbaum va essayer de faire une machine qui dialogue, un peu comme dans le test de Turing. Et ça va être l'origine de ce qu'on appelait les agents conversationnels ou les chatbots aujourd'hui, hein, qui font du dialogue et qui le font toujours en référence à Turing. Il y a même un prix qui s'appelle le prix Loebner, hein, qui fait concourir ces différentes machines et donc qui, en hommage à Turing, bien sûr, récompense celui qui trompe le plus souvent les interrogateurs. Donc tout ça pour dire que Turing a toujours joué un très grand rôle, hein, c'est une espèce de précurseur. Est-ce que selon vous, James Sumner, historien des technologies, Turing était pleinement conscient que le chemin vers l'intelligence artificielle serait encore très très long et peut-être n'est-il pas prêt de se terminer? Turing was optimistic. Turing spoke in terms of perhaps within a few decades of his time, perhaps. Turing était optimiste. Il se disait que peut-être quelques décennies plus tard, peut-être en l'an 2000, il y aurait des machines qui pourraient sérieusement passer pour des hommes, ce qui n'est pas encore le cas. Notre expérience passée en termes d'intelligence artificielle tend à nous montrer que le moment où sera développé quelque chose ressemblant à un être humain n'est pas près d'arriver. La question délicate du monde humain, ces problèmes où vous avez une conversation, par exemple, et où quelque chose surgisse en lien apparent avec la conversation, ces choses, toutes ces choses, les machines ne les gèrent pas encore très bien. Les approches qui ont été développées plus récemment en intelligence artificielle, basées sur les réseaux de neurones par exemple, semblent faire mieux que les méthodes anciennes. Et pourtant, on est encore loin des rêves et des attentes des années 50, 60, 70, même s'il y a eu des réussites très impressionnantes dans des domaines limités comme par exemple les échecs. En tout cas, le jeu d'échecs a joué un rôle assez important. La première version du test de Turing, c'est un jeu d'échecs. Et il a lui-même écrit un programme pour jouer aux échecs, en 1946, je crois. Et les échecs, Jean-Gabriel Ganassia, intéressent tous les mathématiciens, tous les informaticiens. Qu'est-ce que ça raconte de leur activité cérébrale, de leur recherche, de leur travail ? Alors, les échecs, pendant très longtemps, c'est un peu emblématique de l'intelligence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le septième saut d'Ingmar Bergman, par exemple. On joue aux échecs contre la mort. Il y a cette capacité un peu de Dieu à jouer aux échecs mieux que les hommes, de les dépasser. Et très tôt, on imagine qu'une machine va être capable de battre un homme. Et on fait, je crois, en 59, un premier programme qui joue aux échecs et qui bat un homme. Alors en fait, c'est parce que c'était la secrétaire de l'équipe de programmation qui avait appris les règles quelques heures auparavant. C'était quand même tout à fait extraordinaire qu'une machine batte quelqu'un aux échecs. Vous vous souvenez de Dominant l'Odyssée de l'espace ? Il y a un ordinateur qui joue merveilleusement aux échecs. Je regrette, Frank, vous avez raté le coche. Dame à C3. Fou prend dame. Cavalier prend fou, échec et mat. Oui, c'est imparable. Bien joué. Merci, Frank. C'était une partie très agréable. Merci, Carl. 17 février 1996. Deep Blue a battu Mr. K et Mr. K n'a pas du tout apprécié. Deep Blue, c'est cet énorme ordinateur concocté par IBM qui est capable de calculer 1 milliard de coups par seconde. Mr. K, c'est Garry Kasparov, champion du monde d'échecs, qui a perdu hier sa première partie contre l'ordinateur. La machine a gagné, Kasparov a abandonné après 3 heures de jeu. Pas de doute, même si l'ordinateur n'a pas de génie, le cerveau humain risque bien de ses jours d'apparaître petit. On ne s'est pas arrêté là, puisque en mars 2017, une machine l'a emporté sur l'un des meilleurs joueurs au Go, et ça a fait bien sûr la une de tous les journaux. Et là encore, ça a permis de tester de nouvelles techniques d'intelligence artificielle. Ensuite, à l'automne 2017, une machine a été entraînée de façon différente. La machine AlphaGo était entraînée parce qu'elle regardait des parties anciennes. Et à partir de ça, elle, par apprentissage, elle regardait quels étaient les coups qui avaient conduit à gagner et ceux qui avaient conduit à perdre. Et à partir de ça, elle a appris pendant 4 mois. C'était des machines très puissantes, donc ça demandait beaucoup de ressources de calcul. Et ensuite, à l'automne 2017, la même société a utilisé une machine qui utilisait d'autres techniques d'apprentissage, une machine jouait contre elle-même. Elle se dupliquait et elle essayait de s'améliorer. Et là, l'apprentissage n'a duré que 3 jours. Et ensuite, le programme résultant, il l'a appelé AlphaGo 0, puisqu'il partait d'aucune connaissance. Il apprenait à partir de rien du tout. Et cette machine l'a emporté contre la machine AlphaGo, la première machine, à 100 parties contre 0. Une machine capable d'apprendre par elle-même, c'était le rêve de Turing. Tout à fait. Dans ses premiers articles sur l'intelligence des machines, il met en évidence le fait que pour qu'une machine soit considérée comme intelligente, il faut qu'elle possède énormément de connaissances sur le monde extérieur. Et il se dit, elle pourrait apprendre d'elle-même. Et donc à ce moment, elle pourrait apprendre comme le cerveau. Donc on pourrait s'intéresser à ce qu'il produit dans le cerveau. Et il fait référence aux recherches de cybernétique qui avaient essayé de modéliser le cerveau. Mais il se dit, il n'y a peut-être pas que ça dans la nature. Il y a aussi la génétique. Les espèces évoluent, elles tiennent compte de l'environnement. Et donc peut-être qu'on pourrait essayer de faire une machine qui s'inspire de l'évolution des espèces. Et peut-être qu'on pourrait essayer de simuler ce genre de choses sur des machines. Toutes ces recherches, Jean-Gabriel Ganassia, découlent de Turing ? Alors, d'une certaine façon, elles ont été anticipées par Turing. Est-ce qu'elles découlent de Turing ? Je ne sais pas, mais je crois qu'il a eu vraiment une intuition extrêmement forte de ce qui allait se passer, se produire après lui. Extrait du film 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick. Bonsoir. Il y a 3 semaines, un vaisseau spatial américain, Explorateur 1, a commencé son long périple en direction de Jupiter. L'équipage d'Explorateur 1 est constitué par 5 hommes et un exemplaire de la dernière génération de superordinateur CARL 500. Nous avons bavardé avec le cerveau analytique de recherche et de liaison, que l'on appelle par le sigle ou le prénom de Carl. Bonjour Carl, comment ça va à bord ? Bonjour Monsieur Hammer, tout est parfaitement en ordre. Carl, vous avez une énorme responsabilité dans ce voyage. Vous êtes en fait le cerveau et le système nerveux de l'astronef. Vous est-il jamais arrivé de douter de vos capacités? Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Carl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis, parfaitement au point et incapables de nous tromper. Carl, malgré votre immense capacité de raisonnement, éprouvez-vous un complexe du fait que vous dépendez des hommes pour mener à bien vos instructions? Pas le moins du monde. Je suis heureux de collaborer avec l'homme. En discutant avec l'ordinateur, on éprouve la sensation qu'il est capable de réactions émotionnelles. Par exemple, quand je lui ai parlé de ses responsabilités, j'ai senti poindre dans sa réponse une certaine fierté à posséder cette perfection et cette précision. Croyez-vous que Carl soit doué de sentiments humains ? Il parle comme s'il était doué de sentiments. Bien sûr, il a été programmé dans ce sens pour donner plus de naturel à nos rapports. Mais que ces sentiments soient authentiques ou pas, je crois que personne ne pourrait honnêtement l'affirmer. Je m'appelle Olivier Bousquet, je suis chercheur en intelligence artificielle chez Google, basé à Zurich, où je dirige une équipe de recherche. Je dirais qu'Alan Turing est avant tout une grande source d'inspiration. C'est quelqu'un de très impressionnant parce qu'il a apporté beaucoup à ce domaine, il a fondé le domaine. D'une certaine façon, son empreinte est toujours présente. Et le consensus actuel est effectivement qu'il n'y a pas de raison a priori de penser que ce qui se passe dans le cerveau ne puisse pas être implémenté dans un substrat différent. Et la deuxième partie de sa réflexion, qui était de dire, pour faire en sorte qu'un ordinateur soit intelligent, une bonne façon de faire serait de le doter de la capacité d'apprendre. Et c'est maintenant que cette technologie du machine learning est en train d'exploser. On est capable de, si on assemble une large base de données, d'exemples, alors ces exemples sont présentés sous la forme d'entrée-sortie. On a une entrée qui peut être une image, la sortie peut être le nom de l'animal qui est représenté sur cette image, par exemple. Et si on est capable d'assembler une base de données de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'images, avec à chaque fois le nom de l'animal présent sur cette image, donc ça peut être un chat, un chien, on va pouvoir entraîner une machine à être capable de déterminer à partir d'une image donnée quel est l'animal qui se trouve sur cette image. Cette même technologie, quand elle est appliquée à des images médicales, permet de reconnaître par exemple des défauts dans le fond de la rétine d'un patient qui peuvent indiquer un début de cécité chez un patient diabétique par exemple. Donc il y a tout un ensemble de problèmes dans des domaines très différents pour lesquels le machine learning et l'intelligence artificielle apportent des solutions nouvelles et beaucoup plus avancées que ce qu'on pourrait faire avec de la programmation classique ou avec de l'informatique classique. Et donc c'est dans ces domaines-là que nous voulons développer et faire avancer l'intelligence artificielle. Alors, lui n'appelait pas ça intelligence artificielle. Il s'appelle « Est-ce qu'un ordinateur peut penser ?» c'est pas tout à fait la même chose. Parce que le mot intelligence qui est employé partout, c'est pas un mot simple. D'ailleurs, j'ai lu les définitions de tas de dictionnaires et la seule chose que j'en ai déduite est que les auteurs n'étaient pas fiers des définitions. Donc l'intelligence, ça se définit pas très très bien. Alors, les deux mots intelligence artificielle engendrent toutes les fantasmes qu'on voit à l'heure actuelle. Le sujet est réel, il n'est pas bien défini, mais faut pas aller n'importe où sur des rêves ou sur des peurs. Donc lui était beaucoup plus précis, il disait est-ce que la machine peut penser, dans quel sens est-ce que je peux dire ces phrases, qu'est-ce que je pourrais faire comme test pour dire oui ou non. Il a une approche scientifique, il n'a pas une approche, il n'est pas décollé du sol à rêver pour ou contre, à rêver bien ou mal, c'est pas sa question. Sa question c'est, est-ce qu'on peut par les machines apprendre quelque chose sur notre intelligence aussi? Et puis il dit à la fin, mais vous savez, on est quand même très très loin de l'enfant de 2 ans. Mais l'enfant de 2 ans, il n'y a pas longtemps, on le considérait comme pas intelligent, rappelons-nous de ça. Hein. Aujourd'hui, Gérard Berry, dans le domaine de l'intelligence artificielle, on en est là. La capacité d'un enfant de 2 ans. Non, on n'est pas encore là. Alors en 1956... Laurent Alexandre. Au tout début de l'intelligence artificielle... Ce qu'on appelait intelligence artificielle, c'était en fait la conscience artificielle. L'intelligence artificielle qui conduit une Tesla, qui permet de diagnostiquer un cancer de la peau chez Google mieux qu'un spécialiste du cancer, n'ont pas de conscience, ne savent pas ce qu'elles font. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est efficace, parfois plus efficace que l'homme, mais elle est con comme une bite. Et elle n'a aucune conscience de ce qu'elle fait, aucune conscience d'elle-même. On imaginait au début de l'intelligence artificielle que pour qu'une intelligence artificielle fasse des choses compliquées, il fallait qu'elle ait conscience d'elle-même et qu'elle pense comme un cerveau humain. Et c'est ça qui a été complètement battu en brèche. Après des décennies à écrire des programmes pour concurrencer le cerveau humain, en réalité, se sont développées des techniques dont on n'imaginait pas qu'elles pouvaient marcher et qui sont basées sur l'avalanche de data que le web a permis de produire, notamment grâce aux téléphones portables qui concentrent des bases de données gigantesques chez les géants du numérique américain, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et chez les géants du numérique chinois, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui sont les vrais 8 leaders mondiaux de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont les quantités incroyables de données qui permettent d'éduquer l'intelligence artificielle. Pour donner un exemple très simple, quand on prend un bébé, un petit enfant, et qu'on lui monte 3 photos de girafes, s'il y en a une 4e qui passe à la télé et qui voit, il va dire « girafe ». Si on montre 4 photos ou 3 photos de girafes à une intelligence artificielle, elle va rien dire, parce qu'il lui faut 1 million de photos d'un type particulier pour qu'elle sache reconnaître cet item. Le cerveau humain est extrêmement rapide et apprend avec très peu d'exemples, alors que l'intelligence artificielle a besoin de montagnes de données pour apprendre. Et là encore, c'est ce qui explique la toute-puissance des géants du numérique. Les Google, les Facebook ne seraient pas tout-puissants si l'intelligence artificielle de 2018 n'avait pas besoin de montagnes de données pour apprendre. Et encore, les chercheurs en intelligence artificielle actuelle ont-ils parfois du mal à comprendre comment la machine apprend. Quand votre chirurgien décide de vous opérer, ou quand votre cancérologue décide de choisir une chimiothérapie, vous ne savez pas comment ces neurones ont choisi. Il y a une boîte noire qui est le cerveau de votre médecin. En matière d'intelligence artificielle, c'est pareil. Quand vous avez une intelligence artificielle avec 800 millions de neurones virtuels sur 20 couches, qui réalisent des milliards et des milliards et des milliards d'opérations, à partir de milliers de milliards d'informations, on ne peut pas reconstruire tout le raisonnement de l'intelligence artificielle. Donc oui, nous avons du mal dans de plus en plus de cas à comprendre pourquoi l'intelligence artificielle choisit ce qu'elle choisit, mais ça n'est pas très différent de ce qui se passe avec notre cerveau. Donc nous devons nous habituer à ne pas savoir pourquoi une décision est prise. C'est un peu choquant, mais nous l'acceptons bien avec les cerveaux biologiques. Quelles sont les limites actuelles des recherches en termes d'intelligence artificielle, Olivier Bousquet? Alors, donc là, en revenant au test de Turing, on peut se poser la question de est-ce qu'on a vraiment avancé sur cette lignée qu'avait tracée Turing? Alors, dans une certaine mesure, oui, puisqu'il y a tout un tas de tâches qu'on arrive à réaliser. Mais dans une autre mesure, on peut voir que ce test était finalement très difficile, puisqu'on n'a pas fait de progrès vraiment significatifs sur le test lui-même. Pour pouvoir se faire passer pour un humain, pour pouvoir justement réussir ce jeu de limitation, il faut que la machine, en plus d'être capable de comprendre le texte qui est rentré par le juge et répondre sous la forme textuelle, il faut qu'elle soit capable de comprendre le sens de ce texte. Et comprendre précisément et de façon conceptuelle le texte qui est entré par le juge, c'est quelque chose qu'on n'est pas du tout capable de faire à l'heure actuelle, même avec les techniques les plus avancées d'intelligence artificielle. On appelle ça le problème du sens commun. Le problème étant que une machine n'est pas douée, comme un humain qui a évolué dans le monde, de sens commun, c'est-à-dire elle ne va pas savoir que si un objet est lâché, il va tomber. Si on met sa main devant son visage, ben ça cache le visage. Donc toutes ces choses qui sont acquises par justement un enfant qui évolue dans le monde, une machine a beaucoup de mal à l'acquérir, puisque finalement la machine n'est pas un agent qui interagit avec le monde. Et puis on ne sait pas représenter ce que ça veut dire que de acquérir du sens commun, le stocker, le manipuler, raisonner sur ce sens commun. Donc c'est quelque chose qui est pour l'instant inaccessible aux techniques d'intelligence artificielle. Ce test de Turing, ce jeu de limitation, Olivier Bousquet, quand est-ce qu'il a donné ses résultats les plus probants ? Alors dans ces concours qui sont organisés autour du jeu de limitation, il y a eu récemment des avancées qui ont donné lieu à penser qu'on avait résolu ce test. Mais on s'est aperçu que finalement, c'était des gens qui avaient mis au point une machine qui arrivait à se faire passer pour un enfant. Et si on se fait passer pour un enfant, on peut se permettre de répondre « je ne sais pas » ou « je n'ai pas encore appris ça à l'école » à tout un tas de questions, ce qui donne l'illusion au juge qu'effectivement il y a un enfant en face, mais ce qui permet à la machine de ne pas avoir à répondre aux questions difficiles. Carl, est-ce que tu me reçois ? Allô, Carl, est-ce que tu me reçois ? Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Ne discute pas, Carl. C'est moi qui commande. Ouvre la porte A. Dave, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu. Carl. Qu'est-ce que dirait, qu'est-ce que penserait Alan Turing, Jean-Gabriel Ganassia, des avancées ou des patinages, des recherches autour de l'intelligence artificielle s'il avait vécu plus longtemps ? Oui, il est toujours très très difficile de savoir ce qu'il pourrait dire autant de temps après, mais je crois que il serait conforté parce que il me semble que les progrès qui ont été enregistrés aujourd'hui correspondent assez bien à ce qu'il avait imaginé. Hein. Et effectivement, hein, depuis 1950, on a fait des progrès considérables dans la conception de ces algorithmes qui vont permettre de simuler la pensée. Hein. Donc je crois qu'il serait, disons, tout à fait conforté dans ce qu'étaient ses intuitions assez lumineuse pour l'époque. Turing a une unité dans son but scientifique. À la fin des fins, c'est la compréhension des mystères de la nature et de leurs ressorts mathématiques profonds, s'appliquant aussi bien à l'intelligence humaine qu'à la façon dont les êtres vivants s'organisent, dont ils se développent. Face à toutes ces questions, Cédric Villani, est-ce qu'il y a chez Turing un orgueil incroyable, un sens de la démesure, de l'hubris ? Qu'est-ce que ça dit ? Selon vous, de son caractère intime, justement, prométhéen ou pas ? Est-ce que Turing, l'hubris, est-ce qu'il est prométhéen ? C'est pas l'image que je m'en fais. Évidemment, c'est une question d'interprétation. Moi, je vois Turing avant tout comme un passionné, un bricoleur, quelqu'un qui vit par et pour les défis intellectuels et également passionné par les questions manuelles, les questions physiques, les expériences. Quelqu'un qui se retrouve pas très bien dans les affaires des humains, qui a pas de goût pour la politique, qui aime l'action et qui aime les problèmes. Sirius Vett, dans Les Mirages de la Certitude, paru chez Actes Sud en 2018, vous abordez notamment la vie d'Alan Turing et de ses recherches, notamment en termes d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Mon intérêt pour Alan Turing est lié à la question du corps et de l'esprit. Alan Turing a été déterminant en étudiant la manière dont ce qu'on appelle l'esprit humain pourrait être répliqué en une machine. Ces machines étaient imaginaires, mais c'est devenu une métaphore, et pas seulement une métaphore, une idée littérale de comment l'esprit fonctionne. Le fait que l'esprit, comme chez Descartes, peut être séparé du corps, c'est très important. Cette idée de fait est héritée de la philosophie cartésienne. Il y a deux substances. L'une figure l'esprit de manière distincte du cerveau. Et un système qui se suffit à lui-même pourrait être intégré sur n'importe quelle structure. On utilise encore cette métaphore. L'esprit est le logiciel, le software, au service du cerveau, qui est le matériel, le hardware. Vous évoquez différents exemples où, dans l'histoire, les hommes ont tenté d'animer des machines. The fantasy of creating human beings. Le fantasme de créer des êtres humains d'une façon non naturelle, des êtres qui seraient aussi réels que nous, mais aussi peut-être meilleurs que nous, c'est un très vieux fantasme. On a de nombreux exemples, et bien sûr, beaucoup d'histoires. Je pense qu'il y a sous ce fantasme de longue date, et c'est bien compréhensible, un fantasme d'immortalité. Si on peut créer une personne artificielle, cette personne pourrait potentiellement ne pas mourir. Turing et vous, Jean-François Perret, homme de théâtre, c'est une longue histoire. Ben maintenant, c'est une histoire qui date de plus de 20 ans, oui, puisque ma première rencontre, et c'en fut une vraiment, avec Alan Turing, et date de, je crois, des années, enfin, 96 ou 97, je sais plus, c'était, à l'époque, nous préparions un Faust histoire naturelle avec le biologiste et homme de lettres, Jean-Didier Vincent, et je sais pas pourquoi on réfléchissait sur le moment du texte de Goethe, au moment où Faust tente de se suicider. Et donc, en discutant comme ça avec Jean-Didier, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes de science qui se suicident? Et puis, il m'a parlé d'Alan Turing, dont je ne connaissais pas l'existence, comme beaucoup de Français à l'époque. Et là, je sais pas, ça, quelque chose s'est passé. Et depuis, à peu près dans tous les spectacles que j'ai faits, outre ceux qui lui sont explicitement consacrés, il est toujours un peu là où une pomme croquée n'est pas loin, quoi. En fait, personnellement, si je peux me permettre une confession, bien que je suis à soi, j'aime bien la disparition élocutoire du poète, mais j'aime pas les pommes. Enfin, je me suis quand même obligé à en manger une avant de venir vous voir, comme ça, il paraît que c'est très sain, mais bon. Donc c'est purement dramaturgique chez moi. Si Turing était un metteur en scène, en tout cas, y a-t-il une scène qu'il a réussi, c'est sa sortie? Bah oui, parce qu'elle continue, comme toutes les grandes scènes, à être un peu incompréhensible ou énigmatique, parce que, bon... Outre le fait de savoir s'il s'est suicidé ou pas, je pense que c'est réglé maintenant, mais effectivement, les raisons pour lesquelles il a pu le faire sont à la fois nombreuses et inexistantes, donc il n'y a pas vraiment d'explication. Et ça, j'aime bien la part de quelqu'un qui a quand même fichu un coup à la linéarité, à la causalité, et tout ça, à la décidabilité, qu'au fond, puisse pas, enfin, que les raisons de son acte restent, je pense, pour un bon moment, indécidable. mais dans l'une des pièces que vous lui consacrez, à Turing, Jean-François Perret, vous faites dire à une machine « Mon but est de devenir plus intelligente que les humains et immortelle. Mmh. » C'est ça l'ambition de l'intelligence artificielle, d'un cerveau électronique tel que Turing le rêvait? Bon, en plus c'est un lieu commun d'une certaine manière, effectivement on pense que c'est un sujet d'inquiétude mythologique aussi, ou mythique, de dire qu'effectivement une machine pourrait nous dépasser, non seulement parce qu'elle serait plus intelligente que nous, non seulement de manière cognitive, mais parce qu'elle durerait plus. Il pense qu'il y a peut-être une autonomie de l'esprit qui pourrait, une fois que l'humanité aurait disparu, parce qu'il est quand même très conscient que, comme espèce humaine, toutes les espèces sont mortelles, que ça va pas durer. Donc, il y a quand même chez lui, on voit ça dans les cartes postales qu'il envoie, quelque chose qui veut dépasser, effectivement, quelque chose d'humain. Peut-être qu'il rêvait d'une intelligence qui se promènerait dans le cosmos, comme ça, une fois que les poètes auraient disparu et toute l'humanité, comme ça. Arnaud Delalande. Il cherche à voler le feu ou à récupérer le feu. Il y a cette espèce d'obsession, de compréhension de comment le monde fonctionne. Quand on parlait de Dieu tout à l'heure, c'est moins le problème métaphysique au sens de la croyance ou de la foi que de savoir comment ça marche, quel est le grand horloger, comment elle fonctionne l'horloge, c'est quoi les pièces, est-ce qu'il y a un manuel quelque part. Parce qu'en même temps, on pourrait dire c'est une vaste couverture. La question de l'horloge, c'est la sienne. Comment est-ce qu'il fonctionne lui? Qu'est-ce que je suis moi? Pourquoi est-ce que je suis homosexuel? Qu'est-ce que m'a fait ma maman? Je sais pas. Donc c'est ça qui est émouvant. Et donc il est engagé dans une démarche de compréhension du monde, comme les grands scientifiques, Newton, Einstein, etc., qui est une démarche qui consiste justement à chercher sans arrêt la façon de le décoder, le comment ça marche. Et donc cette dimension prométhéenne est forte chez lui avec la dimension martyr. Parce que il se fait manger le foie tous les jours. Il se fait manger le foie jusqu'au bout, jusqu'à la castration chimique. Donc l'image me paraît tout à fait juste. Il est effectivement très très prométhéen et il porte en lui justement cette espèce d'étincelle d'humanité, de feu, qui rend là aussi le personnage émouvant, parce que dans cet abîme de douleur, finalement, il a quand même aussi un tempérament, un caractère. Je vous disais, il a de l'humour, tout n'est pas perpétuellement, c'est pas seulement Bela Lugosi et Boris Karloff quand même, mais jusqu'à quel point aussi, c'est-à-dire que il y a un côté démurge aussi, une volonté à un moment donné de tout contrôler, il y a une espèce d'oubris, il y a une espèce de démesure aussi dans la démarche scientifique qui peut incarner. Quand vous travailler contre les nazis à décrypter Enigma, c'est une noble cause, mais elle est réversible. Et donc, la science n'est pas morale en soi. C'est une époque d'innovation et de progrès. Les plus grands esprits de ce monde repoussent les frontières du possible, jusqu'à explorer l'inconcevable. Mon ami Victor Frankenstein est l'un de ces hommes. Je rêve d'un monde où l'espoir remplace la peur. Où un handicapé peut guérir et remarcher. Et si nous pouvions donner à chaque vie la chance qu'elle mérite? Igor, aide-moi à changer le monde. J'ai réussi. Il est vivant. Je trouve vos travaux stupéfiants. Vous pourriez en créer un autre? Je pourrais faire beaucoup plus. Prenez garde, monsieur Frankenstein. La vie est une création sacrée. Je rêve d'une armée d'un million d'immortels à ma disposition. Victor, vous m'aviez promis que votre but, c'était la vie. C'est désormais tellement plus. Alors ça, c'est une question, cette question prométhéenne, qui est difficile de trancher. Bon, évidemment, il est en tant qu'un des grands scientifiques, on ne voit pas comment il ne pourrait pas l'être d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a chez Turing une façon de contourner cette question prométhéenne, parce que ce n'est pas l'homme qui l'intéresse, ou l'espèce humaine, c'est l'esprit. Et donc, quand il essaie de penser à quelque chose de l'esprit qui survivrait à la mort de l'espèce humaine, il n'est pas prométhéen en ce sens-là. C'est un cas particulier. Enfin, il gagne la Deuxième Guerre mondiale autrement que les autres, quoi. Négativement, en empêchant le blocus de l'Angleterre, en faisant des miracles comme ça, mais qui sont pas forcément, porteurs de mort, quoi, comme le prométhéisme suppose, implique la fin de l'humanité, quoi. Vous liez, vous, Jean-François Perret, Turing, à Frankenstein? Non, oui, bah justement, je ne l'ai pas fait. Mais j'avais pensé, effectivement, par rapport au dernier spectacle en cours, là, au moment où je parle, et qui, effectivement, reprend un petit peu, joue avec le mythe de Frankenstein et le Frankenstein ou le Prométhée moderne, effectivement, de Mary Shelley, parce que ça a été écrit au bord du lac Léman et que le spectacle a été créé là, et qu'il n'y a pas loin le Human Brain Project, qui est pour moi une espèce de grand projet thuringien de simulation du cerveau, etc. Bon, donc j'avais imaginé au bord une conversation au bord du lac entre Alan Turing et Mary Shelley, dans laquelle Alan Turing essayait de convaincre Mary Shelley de se suicider puisque tout le monde mourait jeune autour d'elle. Bon, enfin bref, ça s'est pas fait comme ça parce qu'on ne fait jamais ce qu'on veut faire. Mais là, même par rapport à ça, c'est compliqué chez Turing, parce que je pense que c'est un... Il y a de l'ubrisme et de la naïveté chez lui. Je pense que d'un coup, il voit des taches sur les bestioles, sur les vaches, je sais plus ce qu'il y a des animaux. Et puis, il y a une formidable curiosité, c'est-à-dire, moi, je sais pas, j'ai eu des chats dans ma vie, ils ont jamais eu tout à fait le même pelage. Je me suis pas demandé exactement qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas essayé de faire la morphogénèse du truc. Là, il y a quand même quelque chose. Une curiosité perverse, quoi, un petit peu, parce que vouloir faire une machine qui pense, c'est déjà un peu pervers, et essayer de tout comprendre aussi. Son hubris, elle est plus tard, mais sur un mode, j'ai l'impression très étudiant ou naïf, enfin, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui est pas rêveur. Ce qui est intéressant chez lui, c'est quand même l'échec. Il a été privé de sa success story formidable. Turing, il a été privé de ça parce qu'il a été homosexuel, il s'est suicidé. Et donc, c'est quand même un pauvre type, là. Donc, tout ça, ça, je trouve dramatiquement, c'est extrêmement intéressant que ce soit pas quelqu'un qui ait réussi. Lui poser la question prométhéenne, c'est vache. Et s'il ne s'était pas suicidé en 54, il aurait pu voir quand même une grosse partie de la révolution de l'informatique, l'arrivée et le développement des transistors. Il aurait été passionné, à mon avis, de discuter avec Gordon Moore sur sa fameuse loi de Moore, qui prédisait le doublement de la puissance informatique tous les 18 mois. Gordon Moore, qui est le cofondateur d'Intel. Je pense que Turing et Moore auraient eu des discussions absolument passionnantes. On ne peut que regretter qu'il ait voulu en finir. Est-ce qu'il ne se serait pas dit tout de même « j'avais visé un peu haut » Lui qui prédisait qu'à l'orée des années 2000, son test de Turing serait remporté la plupart du temps par la machine. Laurent Alexandre. Tous les gens qui ont fait des développements informatiques étaient plongés dans l'hubris. D'ailleurs, on voit bien que parmi les dirigeants, parmi les fondateurs des grands groupes de numérique, il y a beaucoup de transhumanistes. C'est-à-dire de gens qui veulent changer la nature humaine, qui veulent augmenter l'homme, qui veulent tuer la mort, comme les dirigeants de Google. Donc oui, l'informatique, l'intelligence artificielle, c'est la porte d'entrée dans l'hubris. C'est Homo Deus, c'est l'homme Dieu, c'est l'homme démurge. L'intelligence artificielle est l'outil qui permet à l'homme de créer le vrai Dieu, c'est-à-dire l'homme-Dieu. Donc il voulait que des machines émergent qui gagneraient le test de Turing, c'est-à-dire qui dépassent finalement l'esprit humain ou qui égalent l'esprit humain. C'est bien la volonté de devenir Dieu, d'être capable de créer l'intelligence, de créer la vie, de modifier le destin humain par la technologie. Turing est l'un des premiers... transhumaniste, même si le mot n'existait pas encore. C'était pas un savant traditionnel, c'était un savant maudit, c'était un savant malheureux, c'était un savant qui suicide. Il n'y a pas tant que ça de savants qui se suicident. D'abord parce que les savants sont passionnés par le futur. Donc se suicider, c'est ne pas voir demain. Et c'est ce qui est étrange chez Turing. Pourquoi n'a-t-il pas voulu voir le futur? C'est un truc qui me trouble. Mais, comme on le disait tout à l'heure, probablement que ses malheurs affectifs, ses malheurs sexuels étaient tellement importants que le futur ne l'intéressait plus suffisamment pour qu'il ne mette pas fin à ses jours. Pour vous, Eva Navarro-Lopez, l'héritage d'Alan Turing, the heritage for me, for myself, is the idea of son héritage pour moi, c'est l'idée même de ce qu'un scientifique doit être. Ne pas se contenter de faire ce que d'autres ont déjà fait. Et ça, c'est très fort chez Alan Turing. Quand il faisait quelque chose, par exemple construire une machine, et qu'il constatait que l'ordinateur était déjà réalisé, que quelqu'un s'en occupait, il passait à l'étape d'après. Il ne pouvait pas rester à travailler sur quelque chose alors qu'une solution était en cours. Donc il était constamment en alerte. Il observait et se posait les questions fondamentales. Pour moi, c'est ça son héritage. C'était un vrai scientifique et un artiste. Ce morceau, Rodolphe Burger, Alan Turing, que vous avez composé avec Yves Dormoy, d'où ça vient et qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, pourquoi Alan Turing ? Tout simplement, j'avais lu une vie d'Alan Turing, magnifique, écrite par Emmanuel Carrère, dans le premier numéro de la Revue de littérature générale. Et c'est par ce texte, en fait, que j'ai appris beaucoup de choses sur Turing, et les conditions de son suicide, quoi. C'est quand même un truc, c'est... Alors, je sais plus du tout comment, mais ça doit être, Internet, hein. J'ai un peu fouillé, je suis tombé sur des textes qui étaient des cartes postales qu'il envoyait à la fin de sa vie, à des amis, et qui signait Arthur Stanley. Arthur Stanley Eddington, mathématicien et physicien, avec lequel Turing a étudié à Cambridge. A few months before his death, donc quelques mois avant sa mort, Turing a envoyé à Robin Gandy une série de 4 cartes postales cryptées, rassemblées sous le titre Messages from the Unseen World, donc messages venus du monde invisible. Des cartes postales sur lesquelles il y avait des espèces d'énoncés qui étaient comme des espèces de formules poétiques très très étranges, comme des aphorismes poético-scientifiques que j'ai utilisé pour ce morceau. Voilà, c'est ça. Voilà l'histoire. Hein. Message venu du monde invisible. Arthur Stanley, point d'interrogation. Arthur Stanley. Hyperboloids of wondrous light. Rolling for age through space and time. Harbor those waves which somehow might. The universe is the interior of a light cone. City number 4. Silence is a differential equation. Le silence est une équation différentielle. Quand on sait qu'une partie de la vie de Turing a été de coder et de décoder des messages, on est dans le sujet. Exactement. Sauf que là, c'est encore plus compliqué à décoder, à faire péter que Ling. C'est complètement... Particles are found. Deep the apple in the brew. Ça c'est incroyable. Si. Ça c'est incroyable. Ça c'est fou. Parce que ça anticipe le suicide. Donc c'est deep the apple in the brew. Let the sleeping death slip through. Donc mange la pomme. Deep the apple in the brew. Laisse la mort, l'endormissement mortel glisser en toi. Et ça, c'est Blanche-Neige ou c'est Turing ou c'est Burger ? Non, c'est Turing. C'est incroyable. Mais c'est référence à Blanche-Neige. Croque la pomme et laisse le glisser en toi le sommeil mortel. The Sleeping Death. Ce qui est tout à fait tragique, c'est quand même que c'est un suicide à l'évidence provoqué par l'atroce. Est-ce qu'il se serait suicidé s'il n'avait pas fait l'objet d'une persécution du fait de son homosexualité? Ça, on ne sait pas, quoi. C'est pas le suicide de Caton, c'est pas le suicide stoïcien décidé philosophiquement, le sage qui décide de se donner la mort. Là, c'est quand même aussi un suicide tout à fait induit par une blessure insoutenable, quoi, qui lui est infligée. Ça ne fait que redoubler le caractère extraordinaire de son attitude, quoi. C'est-à-dire, c'est un héros d'autant plus héroïque que justement il le fait pas valoir. Ça, c'est la caractéristique des vrais héros. Enfin, cette espèce de truc un peu indécidable entre l'humilité et l'orgueil qu'il y a dans le suicide de Socrate aussi. Donc, si vous êtes capable de me mettre à mort, c'est que d'une certaine manière, ça ne m'intéresse plus de... Vous ne me méritez pas ? Vous ne me méritez pas. Qu'est-ce qu'il penserait s'il assistait à cette mythification dont il fait l'objet aujourd'hui depuis quelques années ? Alors c'est amusant que vous me posiez cette question, parce que avant que vous arriviez, j'étais avec mes petites fiches, etc. Et je me disais, dis donc, qu'est-ce que je vais raconter sur toi? Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu dirais, c'est formidable, merci les gars, heureusement que vous êtes là, etc. Ou est-ce que ça serait, une espèce de consternation effarée en disant, oh là là, qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme bêtises? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'au-delà de ces considérations, il y a quand même cette notion d'hommage et de rendu à quelqu'un qui a quand même énormément souffert toute sa vie, qui a été sacrifié, comme on peut dire, par le système, par la guerre, qui a porté le poids du monde sur ses épaules. Donc, même avec les erreurs, qui j'espère il nous pardonnera, c'est quand même la moindre des choses de pouvoir rendre à César ce qui est à César et à Turing ce qui est à Turing. Évidemment, c'est un destin tragique. On ne peut pas tourner les choses autrement. Et Alan Turing, quelqu'un qui s'est retrouvé libre penseur dans une société qui était très puritaine, qui s'est retrouvé détenteur de secret d'État à une époque où les droits de l'individu passaient complètement derrière les raisons d'État. C'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance et quelqu'un à qui nous devons beaucoup. J'ai pas de doute sur le fait que tous les grands principes de l'informatique auxquels a contribué Alan Turing auraient été découverts tôt ou tard s'il n'avait pas été là. Mais l'humanité, la culture humaine, l'histoire humaine, c'est pas seulement ce qu'on réalise, c'est aussi la façon dont on le réalise, c'est aussi les héros qui ont contribué à leur réalisation. Oui, la science avance, et on peut se concentrer sur la science, mais la science avance grâce à la passion et à la motivation, et on doit aussi rendre hommage à cette passion et à cette motivation. Turing est l'un des très rares scientifiques pour lesquels on peut se poser la question de façon plus précise, de par son implication, en partie malgré lui, dans une affaire gigantesque qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Pour le coup, Alan Turing est l'une des très rares personnes dont on peut dire, si ça se trouve, si lui n'avait pas été là, l'histoire du XXe siècle aurait été différente. Pas très loin de Oxford Road, toujours avec vous, James Sumner. On est dans les Sackville Gardens. Et à côté de nous, un jeune homme avale un fish and chips, il est 16h. Et un autre se prend en photo, fait un selfie à côté d'un curieux homme de bronze. Cet homme de bronze, c'est une statue, c'est Alan Turing. Yes. So, On est ici à Sackville Gardens, où a été installé le mémorial de Turing. Le site commémore deux aspects de la vie de Turing. D'un côté, on trouve le quartier de Canal Street, qui est le village gay de Manchester, comme on l'appelle, qui est devenu depuis plusieurs décennies le centre de la communauté gay de la ville. Et dans l'autre direction, on voit ce qui a été construit pour être l'école municipale technique de Manchester, une partie de l'Institut des sciences et des technologies de l'université, même si en réalité, ça n'était pas là que travaillait Turing. Donc, l'emplacement de ce mémorial n'est pas dû au hasard. Il souligne le lien entre science et sexualité dans la vie de Turing. So, Alan Turing is seated. He's seated on a park bench. Donc, Alan Turing est assis sur le banc d'un parc dans une attitude qui invite les gens à venir et à s'asseoir à côté de lui et à passer du temps avec lui. Ce que les gens font, ils viennent lui raconter des histoires. Il est habillé normalement, en costume et cravate, il a une coupe de cheveux sage, typique des années 1950. Et puis, ce que tout le monde remarque, il tient dans sa main droite une pomme. Cette pomme, référence aux circonstances de sa mort, a volontairement été conservée dans le tableau. La pomme, bien sûr, est le symbole biblique du savoir interdit. Elle est là, dans sa main, et dans la statue, elle n'a pas été croquée. Ça nous incite à penser à la vie et à la mort de Turing. At Alan Turing's feet, there is a plaque, and the plaque reads, "Alan Matheson Turing." Au pied d'Alan Turing, il y a une plaque sur laquelle est inscrit Alan Matheson Turing, 1912-1954, père de l'informatique, mathématicien, logicien, casseur de codes en temps de guerre, victime de préjugés. Et puis en dessous encore, il y a une petite citation qui, curieusement, émane d'un philosophe, un logicien, Bertrand Russell. And it says, mathematics, rightly viewed, elle dit, les mathématiques, considérées à leur juste mesure, possèdent non seulement la vérité, mais la beauté suprême, une beauté froide et austère, comme celle d'une sculpture. And I wonder about that. Je ne suis pas sûr de ça. Les sculptures sont parfois froides et austères, les mathématiques aussi. Cette sculpture, pourtant, est assez chaleureuse. C'est une sculpture amicale. Elle n'est pas sur un piédestal, elle n'est pas au-dessus de nous. Je la regarde là, je suis debout, elle me regarde, elle est assise. Elle m'invite à m'approcher et à m'asseoir. C'était Les mythologies d'Alan Turing avec Laurent Lemire, journaliste, Andrew Hodges, biographe d'Alan Turing, Anastasia Christofilopoulou, commissaire d'exposition, Dermot Turing, neveu d'Alan Turing, Arnaud Delalande, auteur et scénariste, Jonathan Swinton, chercheur en histoire des mathématiques, David Lagercrantz, romancier, Laurent Alexandre, romancier et essayiste, Pierre Mounier-Kuhn, chercheur au CNRS, James Sumner, historien des technologies à Manchester, Guy Burkwinkle, professeur au King's College, Jean Lassègue, philosophe, Jean-Gabriel Ganassia, chercheur en intelligence artificielle, Cédric Villani, mathématicien, Olivier Bousquet, directeur de recherche en intelligence artificielle chez Google, Gérard Berry, informaticien et professeur au Collège de France, Siri Husvet, romancière et essayiste, Jean-François Perret, homme de théâtre, Eva Navarro-Lopez, chercheuse, et Rodolphe Burger, musicien. Traduction lue par Elodie Hubert et Anne Stephens. Avec des extraits des films Imitation Game de Morten Tildum, 2001 L'Odyssée de l'espace par Stanley Kubrick et Dr. Frankenstein de Paul McKeegan. Bibliographie complète et liens sur franceculture.fr où vous pouvez réécouter et télécharger toute cette série d'émissions. Merci à Giuseppe Longo et Hervé Lenning, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont apporté leur aide dans la réalisation de cette série. L'énigmatique Alan Turing, une grande traversée d'Amaury Chardot, Romain Weber et Yvon Croisier.